À 13h05, bienvenue à l'édition de la mi-journée de ce dimanche 11 septembre 2022. Voici d'abord les titres. Gilbert Nkurunziza, natif et concepteur du projet d'éclairer la zone Nyakabiga, est classé meilleur acteur communautaire pour l'année 2022 par la coopérative Giriouva. Estimé être au bord des routes nationales doivent être respectées. L'assistant du ministre en charge des infrastructures appelle que c'est pour permettre les travaux de maintien. C'était lors d'une descente sur les routes nationales 1-2 au cours de cette semaine. Et à l'international, au Tchad, Mahamat Idriss Déby, président du conseil militaire de transition, a de nouveau tendu la main à ceux qui boycottent toujours le dialogue national inclusif. Page politique pour débuter cette édition. Le président du parti d'opposition Sénel constate que le nouveau gouvernement récemment remanié est composé des membres d'un seul parti. Toutefois, l'honorable Gaton Gwassa trouve qu'ils sont là pour tous les Burundais, pas pour un parti. Point de vue donné lors de l'émission Mosaïque de la radio Isanganiro de ce samedi au micro de Léonce Bitariho. Le président de la République est le garant de la Constitution. Les institutions sont mises en place conformément à la Constitution. Et dans cette Constitution, nulle part on recommande au président ou à son gouvernement d'exclure les autres. Au contraire, la Constitution les invite à cimenter l'unité entre les Burundais, notamment dans la gestion de la chose publique. Je demanderai au président de la République et à son équipe gouvernementale d'ôter les yeux du sein de FDD et de mettre les yeux du citoyen patriote. Parce que là, ils doivent être au-dessus de la mêlée. Ils sont là avec des charges d'une nation, non pas d'un groupe d'individus qui peut être étiqueté parti X. Ou bien il peut faire les deux. Garder un œil sur son parti et garder un œil sur la nation. Garder un œil sur son parti, ça ne vaut pas la peine, parce qu'après tout, le parti a ses responsables. Lui, il est là pour tout le monde, pour tous les Burundais. Chaque Burundais, indistinctement, attend de lui, attend de son équipe gouvernementale, que ces défis de misère, que ces défis de marvelisation économique, de corruption et autres soient levés. Mais il met en exécution le programme, le projet de société de son parti. Mais le projet de société de son parti, ce n'est pas de faire de la paupérisation. Non. C'est justement se préoccuper des problèmes des citoyens pour permettre à ces citoyens à se relever. Mais là, vous semblez parler uniquement du président de la République. Non, je dis le président de la République. Toute l'équipe gouvernementale, et je vais très loin, même au niveau des autres entités administratives, provinciales, communales et locales, il faut qu'on perçoive la chose comme telle. Ils doivent être au service de la nation et non être des prisonniers du parti. Page société à présent, Gilbert Nkurunziza, natif de la zone Nyakabiga et concepteur du projet d'éclairage de cette zone, est classé meilleur acteur communautaire pour l'année 2020. Maggie Kwizera, présidente de la coopérative Giriouva, initiatrice du projet Bashimire Bakiriho il y a 3 ans, explique que la reconnaissance des acteurs communautaires encourage les natifs au développement de leur pays. Je vous propose de la suivre. Nous sommes ici dans la zone de Nyakabiga pour des cérémonies de décoration du meilleur acteur communautaire local. Donc, au sein de notre coopérative Griouva, nous avons un projet social de motiver, de reconnaître tout le monde qui fait de très bonnes choses de développement communautaire local, là où la personne est née. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes venus ici, parce que le lauréat de l'année est né à Nyakabiga et il a pensé d'abord à développer le quartier dans lequel il est. Chaque année, quand nous faisons des cérémonies de décoration du meilleur acteur communautaire, nous le faisons là où il a fait. Donc, si tu es né sur une colline quelconque, là où tu as fait les œuvres, c'est là où nous allons faire les cérémonies relatives. Effectivement, il y a beaucoup de gens qui font de très bonnes choses, mais nous ne pouvons pas atteindre tout le monde. Ce qui est important, c'est que le lauréat de l'année est un lauréat qui mérite cette décoration. Sinon, nous pensons que même les années prochaines, nous allons continuer des cérémonies de décoration des meilleurs acteurs, comme les autres aussi peuvent le faire. Nous, nous l'avons fait à notre niveau. Nous pensons continuer même pour les années à venir. Nous lançons un appel à tout le monde, que chacun ait dans sa tête qu'il doit développer là où il est né. Parce que c'est grâce à ce que les autres ont fait pour nous que nous sommes à ce niveau. Il est important que tout le monde, dans tout ce qu'il fait, il pense vraiment à la colline ou bien à la famille, là où il est né. Parce que c'est notre base de développement. Nous ne pouvons pas prétendre être évolué, avoir le bien-être, alors que là où nous sommes nés, il n'y a pas le bien-être. Il faut être reconnaissant. Nous devons connaître tout ce qui nous a aidés. Vous savez, nous avons étudié, nous avons étudié. Quand tu allais à l'école, il y avait des familles qui te donnaient de l'eau. Quand tu tombais malade sur la route allant à l'école, il y a les gens qui t'ont aidé. Donc, quand tu es maintenant à un niveau évolué, il faut toujours que tu reconnaisses. Pensez là où tu es né. Madame Maggie Kwizera, présidente de la coopérative Griouva, ajoute que cette coopérative a voulu inverser l'idéologie massive de décorer une personne qui n'existe plus pour promouvoir plutôt la décoration honorifique des acteurs tant qu'ils sont encore vivants. Écoutez encore une fois Maggie Kwizera. La motivation est très normale. Tous vous observez que nous avons tous tendance à remercier les gens quand ils ne sont plus vivants. Alors quand ils étaient encore vivants, nous avons tendance à parler du mal sur quelqu'un qui est vivant. Mais quand il est mort, nous parlons du bien, même s'il n'a pas fait beaucoup de bien. Alors nous pensons qu'il faut renverser la situation. Il faut plutôt dire de très bonnes choses, remercier les gens qui font de bonnes choses quand il est encore vivant. C'est ça qui nous a motivés à donner chaque année son prix au meilleur acteur communautaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. 6 mètres au bord des routes nationales doivent être respectés pour permettre les travaux de maintien de ces infrastructures. L'assistant du ministre en charge des infrastructures l'a rappelé cette semaine. C'était lors d'une descente sur les routes nationales 1 à 2. Théophile Delfatier nuance toutefois que les curtous se trouvant dans ce périmètre doivent être récoltés avant de faire respecter la loi. Dans le cadre du respect de l'emprise de la route, un cadre légal existe, vous le savez bien. Et ce cadre légal requiert qu'il y a une distance de 6 mètres de part et d'autre de la route qui doit être respectée, dans le sens même de protéger cette infrastructure routière qui coûte cher à la nation pour sa construction et qui coûte cher aussi lors de sa réhabilitation. Alors, dans le souci de faire face aux défis qui menacent le réseau routier national, ce cadre légal a été mis en place. Normalement, la loi entre en vigueur de sa signature. Et toutes les dispositions sont prises pour le respect de cette réglementation. Alors, pour la question relative aux cultures qui existent déjà sur l'emprise de la route, nous demandons à tout citoyen de procéder à sa récolte aussitôt qu'elle est mature, mais qu'il est interdit à tout à chacun de pouvoir cultiver encore dans la partie interdite par la réglementation en vigueur. Alors, pour les cultures qui prennent beaucoup de temps, des mesures seront certainement prises entre le ministère et les infrastructures dans ses attributions et les différents ministres intervenant dans ce domaine pour voir les mesures d'accompagnement qu'il faudrait prendre pour à la fois protéger la route et à la fois ne pas porter préjudice aux intérêts des citoyens par rapport aux cultures existantes. Radio Isanganiro, chronique nutrition. Chronique nutrition avant d'entamer l'actualité internationale. La consommation élevée des œufs peut entraîner beaucoup de maladies sur la santé humaine. Jean-Paul Wineda, chercheur nutritionniste, cite entre autres les maladies cardiovasculaires et le cancer. Il appelle les consommateurs à manger l'œuf avec modération. Omer Ndouiman. Aujourd'hui, nous revenons sur les conséquences d'une consommation abusive de l'œuf. Jean-Paul Wineza, chercheur nutritionniste, trouve qu'une consommation élevée des œufs peut occasionner des effets néfastes sur la santé humaine. Même si l'œuf nous procure beaucoup de nutriments, il y a d'autres répercussions négatives sur notre santé que l'œuf peut nous occasionner. Par exemple, un excès d'acide urique des cholestérol et aussi la fermentation intestinale. Et il y a risque des maladies cardio-vasculaires et aussi l'infarctus du myocarde, l'angine de poitrine. Parmi les maladies que peut causer la consommation abusive de l'œuf, le chercheur cite entre autres le cancer et les maladies cardio-vasculaires. D'autres problèmes qui peuvent occasionner l'œuf, c'est les problèmes des cancers, cancer du prostate pour les hommes, les cancers du sein pour les femmes et d'autres tumeurs cancéreuses au niveau de l'organisme entier. Épousant les conseils des experts nutritionnistes, le chercheur Jean-Paul Huineza appelle les consommateurs à prendre cet aliment avec modération. Les nutritionnistes nous conseillent de ne pas consommer plus de 3 œufs par semaine. Sinon, les œufs vont quand même occasionner beaucoup d'effets néfastes sur notre santé. Comme Thomas, un président américain, a dit, ne te répands jamais d'avoir pu manger. En fait, si tu as trouvé peu de œufs, ils ne font pas avoir des réglés que tu as pu trouver. Sinon, ça peut quand même vous occasionner beaucoup d'effets néfastes. Un autre chercheur qui s'appelle Mahatma Gandhi a parlé qu'il ne faut jamais avoir beaucoup de choses qu'il faut privilégier beaucoup de fruits. Cet homme-là a dit, pour conserver la santé, nous devons faire des fruits et des légumes, mes frères, la part fondamentale de notre alimentation. Ce chercheur conseille les consommateurs à se nourrir plutôt beaucoup de légumes et fruits à la place des œufs. Actualité internationale. Au Tchad, le président du Conseil militaire de transition, Mahamat Idriss Déby, a de nouveau tendu la main à ceux qui boycottent toujours le dialogue national inclusif, démarré le 20 août, qui devrait permettre à terme un retour à l'ordre constitutionnel. Mahamat Idriss Déby s'est exprimé samedi soir à la télévision nationale, selon le site internet de RFI. Il a indiqué que la porte reste ouverte à tous les partis et organisations qui souhaitent se joindre au forum. Des propos tenus alors que le week-end a été marqué par des heurts entre les militants du parti d'opposition, les transformateurs et la police à la suite de la convocation vendredi du leader du parti d'opposition, succès Masra par la justice. Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.